The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Waste. La perte. Time. Le temps. To wait. Attendre. Plane. L'avion. To work. Marcher. Now, a bit faster. To work. Marcher. Plane. L'avion. To wait. Attendre. Waste. La perte. Plane. L'avion. Time. Le temps. To work. Marcher. Time. Le temps. To work. Marcher. Waste. La perte. Time. Le temps. Plane. L'avion. Now, use the words in context. La perte. What a waste of time. Quelle perte de temps. Le temps. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Attendre. Wait for me. Attends-moi. L'avion. It's my plane ticket. C'est mon billet d'avion. Marcher. The cell phone works. Le portable marche. La perte. What a waste of time. Quelle perte de temps. Le temps. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Marcher. The cell phone works. Le portable marche.